Faut qu'on rappe, faut qu'on les choque, faut qu'on les traumatise. Moi je me rappelle à l'époque, ils me faisaient pas la bise. Celle-là c'est pour Gordé, j'suis parti beaucoup trop tôt. Cricket c'est qui bref, la gamberge du ghetto. Rapta, ta façon de parler de tes mini que ça passe pas. En vrai niquer des mères, je sais pas, j'suis bon qu'à ça. Des sous contre du shit avec un tour de passe-passe. C'est plus fort que moi. C'est Jules 1-3 comme la vente de coca. Atmosphère électrique, j'm'en place comme Big Popa. C'est très organisé, des aides, mon amboka. Coup de chasse à la ceinture, j'te termine au toka. J'ai du rap de crapule, pas de nez dans la coco. J'arrive comme à l'ancienne, des R6 sous le croco. Sauvage comme d'autres acquis, barbare comme Khal Drogo. Ça monte sur des gros coups mafieux comme la Mogro. J'arrive comme marcheur blanc, j'ouvre le crâne à l'épée. J'comme plus l'homme de gardable ni les heures de DP. J'suis le Real de Madrid comme Kaka ou BP. Violent depuis le CP, PGP, full CP. On fuck la fashion week, pas des gains de pétasse. On passe après, on se casse, on brasse après, on dash. Chez nous, y'a pas de fée, R19, j'mets les gars. Celle grise, j'foudrois la prod, c'est 6 ans sur Pégase. J'ai décapoté, ça bip sur le bleu toute la journée. J'ai vidé la taille, j'suis assommé. Collègue sur la ceinture, j'deviens chelonné. Du moins où d'Agignon n'a pas allumé. J'fais partie des négros miraculés. Jamais bégayé, on a assumé. Ils m'appellent le sang, mais c'est des enculés. Comme le G, j'représente la zone. C'est ça mon frérot qui a fini en zone. Gardez le moral, ça bouge pas les hommes. Très organisé, ça fait l'effet d'une bombe. D'une bombe. On verbalise, plus on pénalise. Là c'est la crise que la moula qui nous canalise. Pas tout seul, j'suis en bande organisée. On vient pour les traumatiser. Roule un gros jeu sous la lune, j'm'évade même sans thune. À tête dans les étoiles, les pieds sur le bitume. Entre le bien et le mal, j'sais plus où j'me situe. J'rêve de nouveaux horizons, même si pour moi ici ça tue. Et ouais, ça tue en rafale, comme au favela. Matin, midi, soir, ça remplit le sac de ma pessa. On porte nos coups sur terrain, comme Makelele. Gars, ça tire, même les condés dansent la Macarena. J'sors du four, ça sent le poulet. Y'a les Schmitt qui tournent, on s'emballe les. Y'a les Schmitt qui tournent, on s'emballe les. Allumez le feu, ce que tu fais, c'est trop pété. Moi, j'écoute pas. Accepte les critiques et deviens plus fort. On va choquer du monde, là, y'a toute la soudade. J'ai mis les lunettes à Mad Max avec la samvrin. En ce moment, ça va coussi coussa. Un manque de moula, donc j'ai pipé le zin. Pardonnez les faux, c'est un truc que je fais pas. Y'a pas de silencieux, donc j'utilise un coussin. Sain, sain, ah, oh les mains. T'as claqué tout ton bif, maintenant tu veux le mien, t'auras rien. Y'a que quand tout va bien que t'es le frangin. Doucement pousse-toi, assis-toi et regarde faire les anciens. J'ai les crocs, j'ai la rage comme un chien quand ça touche à mon pain. Crois pas tu rêves, tellement de clients à la ronde. À la fin de la soirée, on se croirait en rêve. Manu veut nettoyer la ville, faire place, mais ferme sa gueule face au crime de Benjamin. Sur terrain, la Maliamine, ils veulent faire à Miami. On veut le million mille, famille à Miami. Ok poto, j'espère que tu me suis. C'est que le début de putain de brouhaha. Viens de la ville où c'est un vent de terre. Demande au tien, ça vient d'où aha. J'ai le kalala où paraît que la misère est moins pénible quand y'a pas l'orage. La kala kala, l'emkara kara. Tout ça pour vivre dans un trou aha. J'voulais quitter la vie que les rappeurs rêveraient d'avoir Marseille. Le silence et le savoir, ça c'est un braquage à l'assassin. On le fait pour que ça serve. Sert à rien de m'attirer dedans. Si je sors, c'est bruyant comme un moteur de temps. Joue avec, tu verras comment mon cœur le prend. Si ça prend 20 ans, monte le coup à l'écran. Y'a pas de trap ou de boom bap, j'la kick. Pas de top départ, c'est pas tactique. Et si ça crève la dalle, j'ai de quoi le dire. Faut la force dans le cœur, les couilles, les quadrilles. Ça la joue pas solo si tu t'es mis dedans. Veux jouer sans sa vague, va y avoir des mi-temps. Mais dans mon temps, y'avait pas des mythos. Finance et fragla qui signe sur les temps. Fais le pain, Chico, mon pas philippin. Fais le bien pour les tiens. T'es ne beurouin, y'en a qu'un. C'est le gang, Tenji Kwan. Je sais qu'ils font pas le bon. Marseillais jusqu'au pied. Je ne suis pas parisien. Ben ouais, le Zenkou, nous on est beaucoup. T'es ma la force, on est gain. J'ai fait la déco, j'ai cassé des coups. Mais on n'est pas des ricains. Si tu fais les choses, c'est les bien. Mais toi t'es bâtard, tu n'as rien. T'es mal le gavard, comment rien. Tu connais le J, le Marseillais. Très sur la plaque, on est cramé, parfois armé. Les poumons amarlés, la petite à Marlowe. Des marrons, du roro, ça pète les coffres. Ça l'époque, loin d'école. La rétine en euro, on flingue les neurones. Alzheimer au barreau, c'est ça les codes. Ça sent le Glock, dans le bloc. On soigne le paraître pour guérir le mal-être. Chaque paramètre fait grimper le barème. On a nos torts, on défonce les portes. Y'a que des phobes qui font que des fautes. On fait face à l'amour, à la haine et la mort. C'est casser des tours, l'un de tours de la mer. L'argent, le pouvoir, le nerf de la guerre. De Marseille aux Comores, c'est partout la même. Mais pas ton nez dans mes affaires. Tu l'as déjà dans la machine. J'ai fait rien pour lui plaire. Je veux juste faire pas peine. Toi pas non mon fils, regarde le ciel quand je roule. Quatre anneaux avec Diego, je suis sur la route. Et je deviens fou, ça fait des trous. Trop de flics qui fouillent. Ah ah. Viens des quartiers nord, on veut faire des levées. Proco sur le torse, roue avant levée, yeah. J'tire dans le mille, les racistes m'embellis. Mental Mario Balotelli. La poudre des Pirelli. Enfant du zénith. J'démarre le 2,5. J'ai du sang sous ma chemise. L'odeur de la beuh et des flaques de cheese. Elle me calculait pas. Et aujourd'hui elle m'appelle chérie. J't'aime pas, j'ai pas changé d'avis. Faut des sacs remplis de zénith. Train de vie pour Ordali. T'es banni par des bannis. L'horizon n'est pas joli. On détruit, on rebâtit. Y'a des frères qui sont tombés bêtement. J'ai pas changé depuis mes 20 ans. J'arrive 23-9, j'crive à toi. C'est le DS que tu me remets maintenant. J'arrive inattendu comme un coup de ta sœur. J'arrive tendu comme le cul de ta sœur. Ouais, dans les rues de Marseille, elle arrive par la poste, on a plus de passeurs. Regarde les bandits brassés, j'bénis l'avenir, j'maudis le passé. Sur le Prado, j'conduis cassé. J'reviens de loin comme Jean-Louis Cassé. J'suis un couche-tard, j'ai ma tarqui. Ne la touche pas, c'est ma Barbie. Marseille, freestyle légendaire, tu j'terre. Dans la poche, j'ai du méchant. Toute ma jeunesse, c'est le nom de Jakku. Tu regardes les films dans les loups-garous. T'es trop fragile, moi j'suis Lukaku. Lukaku, Lukaku. On m'a dit y'a des règles, mais moi j'm'en fous. J'ai dit toi, ouais, j'ai touché à tout. Et les jaloux, y'en a partout. Même sous la roue de la Subaru. J'entends des you-you, c'est jour de mariage. J'entends des hara, c'est nuit de voyou. Marseille c'est la rage, c'est le démarrage. On donne sa salle, finale adieu. International, on arrive à balle. On arrive en bande organisée. Formalité, j'ai traumatisé. On arrive en bombe, de partout dans le monde. Je suis un peu parano, je mets que des carrés croix aux putes. Elle donne de l'amour, elle donne le go. Après les bastos vont droit au but. Fils de foro, crache pas l'obus. C'est avec des larmes qu'on fait l'auto. À Marseille, les petits, c'est des marchands de sable. Mon gros, tellement ils en ont fait dodo. Une balle, c'est plus rapide que la lumière. Baba, ça tourne la nuit avec Satan. Ça gère le trafic vers Patton. Ça a mis de la frappe, y'a des heures d'attente. Bébé, elle fait des crises de jalousie. Elle aime pas trop quand je mets le cœur battant. Tu peux me voir sur YouTube dans les bars aussi. Là où ça cherche à te faire t'attendre. Enchaîné comme Django, déchaîné comme Kanto. Nique les contrôles, musclé comme Rambo. Un 3 braco, c'est cadeau. Tue comme les ragots, pareil comme Brando. Ultra commando, 16 mesures en titane. Écriture abyssale, Marseille capitale. La tête du Zidane. La bande s'organise dans le bendo. Tu crois que t'es dans le coup, t'es ancien comme le bento. Représente jusqu'au bout du monde. Tous les chemins mènent aux bouches du Rhône. On est des chasseurs, pas des chanceux. Faut couvrir nos arrières comme chancel. La tête dure et le cœur blanc bleu. C'est mon 13 qui entre en scène. Que calor, mi amor, je veux l'or, tu sais moi. J'viens de la zone, du vieux port. La tête à Voldemort. En Vespa, en veston, cagoule noire. Mode fantôme, marché noir. Place Vendôme, par chez moi. Marche à l'homme, 3h du mat, pété sur le jarret. Tous les feux sont verts, c'est qu'accélérer. 3 fois filtré dans la Clio dorée. Marseille Milan, qu'avec des vrais. Il est tard à l'opéra entre son des guitares. Finis ton verre sous le champ des guitares. Moi je viens de la rue, j'suis dans un sale état. J'suis dans la butte, nique sa mère l'état. Henri le compète, GS pour la compète. J'aime toujours quand elle pompe, quand elle se la joue coquette. Jack Dash remet encore, je suis les wesh, m'en bats les couilles. N9 pour mettre d'accord, je l'ajoute et je m'en bats les douilles. Moi je suis bon qu'à rigoler, rencontrer les lovés, m'isoler. Ils sont bons qu'à siffoler, taper la mâche et picoler. On a coupé, coupé, on a détaillé. Coupé, coupé, on a décalé. 63 coupés pour ma petite poupée. J'ai fini le couplet, il est temps de mailler. On compte pas les moutons, faut pas leur tendre le tambour. J'ai des potes en prison, qu'on fait plus de talk que les tambours. Faut pas se donner en spectacle et pas cracher sur les frérots. J'vais leur faire une feria, prendre par les cornes le taureau. Olivier Valère, j'suis avec les vilains. Mes pétasses parlent pas chinois, elles sont toutes bilingues. Très organisées, c'est la grosse compo. Que tu coffres en cellule, faut faire fumer ton co. J'ai tellement graille la street, ça en devient écœurant. T'étonne pas si j'fais le strict. Une drôle d'action, c'est décevant. Hein, à ma cité, j'ai fait le tour. J'connais par cœur les rues de Macaille. On m'a pas cramé dans le four. Et c'est pas qu'en hiver qu'il caille. Dans ma cité, j'ai fait le tour. J'connais par cœur les rues de Macaille. Les problèmes, j'ai fait le tour. Et là j'suis faya, j'me roule un pet au bord de la mer. L'été j'suis pas là, j'suis pas là. J'suis dans la caisse côté Palerme. J'évite les papas, papas. Ma petite j'l'emmène danser loin des papas, papas. Sous Vovo j'vous salue. J'pourrais rapper la R même sur un son d'été. Et tu sais que je le ferai en détente. J'prends du recul avant le 6 mètres. C'est du cassage de nuque, ça va choquer des tentes. Herbel, Guggen, c'est les Sao. À sauce de malfrats en bande organisée. Cette année ça ressort les guitares. C'est Marseille en bleu, ça c'est très organisé. Ça la paye même plus la voura. Donc c'est un popo que je cotise pour un 50. Y'a le petit qui passe chez un 50. Ça attrape une prod, ça la frotte à 50. Y'a celui qui marque et y'a celui qui tente. Le petit il a trop les canines. Il prend 2 toffes à 30, il fait 2 fois 50. Moi c'est Stoniston enchanté. J'ai le t-shirt sanglanté. Encore beaucoup de choses à construire, je me lève à 6h pour le chantier. J'attendais les sirènes chantées. À Marseille y'a pas que les cigales. Si mes gros vont bien c'est le principal. Vas-y accélère c'est la municipale. Je le fais pour les amis d'enfance et même les voisins d'en face. Si tu me quittes pas de vengeance, j'irai péter le champagne. Les petits ont grandi, font des études supérieures dans le SCAM. J'connais que mes sons par cœur et tous ceux que je crie dans le stade. Les gens je fais que entasser, surveille ta bite, je veux m'enlacer. Prada ou pied sans lacet, j'connais des types qui sont calibrés. J'ai coupé les balivernes, j'passe sur la côte, j'finis enivré. Attends deux secondes, je me rallume un pet. Un qui me fait mal, qui me fait perdre la tête. Il parle, mais c'est toujours la même. C'est toujours la même, j'ai jamais la flemme. Rien qu'à tes mains, on a capté la disquette. J'traîne pas avec les rages, qu'à la balle et vibre. Il parle, mais c'est toujours la même. C'est toujours la same, on attend la paye. Cache la maille, on cherche juste en pile. J'ai trop de love à donner à la cible. J'ai pour me passer du manque. Ma vie qui défile comme un flex sur la tempe. J'ai peu d'idées fixes, soit j'interdis de fuir. Maintenant que j'ai un fils, faut le nourrir à temps. J'rappe à l'ancienne comme les amis d'avant. Les yeux vers le ciel pour qu'il me laisse maman. J'connais la débrouille, ouais, tout un tas d'embrouilles. Quand l'ambiance part en couille, que c'est plus trop marrant. Sorti de mon trou comme un mort vivant. Tu veux m'apprendre la vie, allez hop, tu vends. Y'aura pas de seconde chance comme un lancé franc. Si t'aimes pas, nique ta mère, au moins là c'est franc. J'ai qu'un laps de temps, t'étonnes pas que je tente. J'regarde les étoiles, c'est vers ça que je tends. Un droit sur la plaque, interdit de se taire. Ou de se plaindre au moins pour les proches sous terre. Comme la plupart de ma bande, focus sur le bénéf. Lip flip sur ses lèvres, rien à célébrer mais on célèbre. Je sais pas ce qui m'attend mais je sais que je dois enchaîner. Jeûner sur jeûner, combien de coffres sont scellés. Cramé comme Green Mountain, l'euro comme remontant. Ça pense qu'au stupe noir et ben comme montagne, augmenter les montants. Marseille quand t'entends pas passer, sûrement un doigt sur une gâchette. Ou juste parce que tu peux croiser à chaque feu rouge les plus belles ratchettes. Il me faut une quicheta, j't'ai aidé, direct sur le hasi, j'fais TP. J'ai pris le dernier survêt, CP, soit vite le J, c'est fait. Tous les jours au quartier, à traîner, à chaud, j'ai la montagne, à peiner. Tu disais que c'est une folasse, une traînée. T'as mis dedans et voilà, un bébé. Ah, c'était dans ton cortège des boules. On fêté, c'est le mariage du poteau. Faut le fêter, ça repose des tables, j'suis pété. Le nez plein de coco, elle vit la vie d'aloca. Elle traîne qu'avec des locos, chargée dans la loca. Ah,